Curiosité.net, l'Octave Mirbeau, conte, grand 1. Lecture Alain Bernard, illustration musicale. Ouverture du Barbier de Séville, Rossini. Licence Musopen. Enfin seul. Je possède un oiseau très bizarre. Il s'appelle Nicolas. Et voilà pourquoi. Comme j'avais convoqué une assemblée internationale, d'aucuns disent congrès, de très savants ornithologistes, pour déterminer l'espèce de ce volatile inconnu, l'un de ces hommes de science déclara: C'est un nid-nicolore. La femme de basse-cour qui assistait à la réunion entendit: C'est un Nicolas. Et aussitôt elle alla par le village colporter la bonne nouvelle. C'est un Nicolas, c'est un Nicolas, et le nom resta l'oiseau. Ainsi se propagent les erreurs et les mensonges dont vivent les hommes. Car ce n'était pas un nid-nicolore, comme vous le pensez bien, et comme vous le verrez par la suite de cette véridique histoire. Une matinée, j'avais vu cet oiseau dans le jardin, mêlé aux moineaux et aux pinsons, avec qui il semblait faire bon ménage. C'était un admirable oiseau, d'un jaune resplendissant. Il avait un bec puissant et terrible. La tête et le col d'un noir de velours, deux petits yeux rouges, pareils à deux petites perles de corail. Il était de la grosseur d'un jeune merle. D'où venait-il? Ah, voilà. Bien que je ne sois pas savant en ornithologie, je jugeais tout de suite que cet oiseau n'était de nos pays. Rien qu'à sa parure trop éclatante et comment dirais-je, rastaquéric, il n'y avait pas à douter qu'il fût étranger. À sa familiarité, à ses allures peu farouches, quand je m'approchais de l'arbre où il perchait, il n'y avait pas non plus à douter qu'il se fût échappé d'une volière. Naturellement, j'avais d'abord songé à lui tirer un coup de fusil. La première idée qui nous vient devant une chose belle et que l'on ignore, c'est de la détruire. Et puis, pour un Français vraiment patriote, et qui chaque matin lit avidement le petit journal, d'être étranger, cela ne constitue-t-il pas, même pour un oiseau, le plus grand des crimes? Tout au moins, la plus ineffaçable des tares. Je réfléchis en outre, ayant remarqué la courbe décriée de son bec, que cet oiseau pouvait bien être juif, ou la juiverie ne va-t-elle pas se nicher? Mais les oiseaux ont d'autres idées que nous. Ils entendent le patriotisme à leur façon, et ils ne savent pas encore toutes les beautés de l'antisémitisme. Ce sont des personnages peu cultivés, en somme. Ceux de mon jardin avaient accueilli l'ennemi, sinon avec amitié, du moins avec déférence. Ils lui laissaient partager leurs ébats dans les marronniers, et manger au même bémur. Après tout, ça les regarde, me dis-je. Et je pris le parti de faire comme avaient fait mes moineaux et mes pinsons, et d'accepter cet étranger dans le jardin. Que voulez-vous? Je ne suis pas un héros. Le petit journal est un journal républicain, conservateur et anti-Dreyfusard. L'automne approchait, un automne pluvieux et froid. Et voici que le pauvre Nicolas devenait frileux, triste et abandonné. Les oiseaux de passage étaient partis. Il n'y avait plus de huppes, plus de loriots, plus d'hirondelles. Presque toute la journée, il restait perché sur une branche d'acacia, enflant ses plumes ternies, le dos rond, comme ces poitrinaires dans les hospices qui viennent caresser, au rayon de leur dernier soleil, leur toute prochaine agonie. Je pensais que Nicolas était sans doute un exilé des pays chauds, un oiseau de soleil et de lumière, et que l'hiver allait le tuer, l'horrible hiver, tuer de petits oiseaux. Que faire pour lui trouver un abri pendant la mauvaise saison? À force d'astuce et de patience, je le capturai et je l'installai aussi confortablement que possible dans une vaste cage, pourvue de tout ce dont a besoin un oiseau moderne. Et aussitôt, il redevint joyeux et brillant. Et il se mit à chanter, à chanter. Oh, ce chant! Je n'oublierai jamais l'impression qu'il me fit. C'était un chant étrangement rauque, guttural et pourtant sonore. Cela tenait de la flûte, du tambour, de la locomotive, des grincements de portes. Un chant de guerre ou de scalp, comme on en a les sauvages de l'Afrique et les anthropophages de l'Australie, un chant de nègre, pour tout dire, sans réticence. Car il n'était pas juif, cet infortuné Nicolas. Il était nègre, on n'en pouvait plus douter. Mais j'ai déjà, il me semble, raconté quelque part des choses, ces choses passionnantes et mystérieuses, et comment, Il advint qu'une fois en cage, Nicolas se mit à construire, avec des brindilles de raffia et des bouts de ruban, des monuments extraordinaires et compliqués, et comme les architectes blancs en construisent à l'époque des expositions universelles. Des années se passèrent, Nicolas butinait et chantait. Je ne veux pas revenir sur des particularités très intéressantes que j'ai relatées jadis et qui m'ont valu des correspondances actives avec les plus vieilles demoiselles et les plus savants naturalistes du globe. L'été, je donnais à Nicolas la liberté, ou presque, dans une magnifique volière où poussaient quelques cépés de chênes et de coudriers, ce qui lui procurait l'illusion de forêt profonde. L'hiver, il réintégrait sa cage, où il se livrait à toutes sortes d'architectures, et où il chantait comme un perdu. Et tout allait ainsi, le mieux du monde. J'ignorais toujours ce qu'était Nicolas. En vain, j'avais interrogé d'universels savants, et les plus extravagants, d'entre les explorateurs centrafricains ou extra-tibétains. Ils ne savaient rien. Le prince d'Orléans, Henri d'Orléans, 1867-1901, explorateur, prétendait que c'était une espèce de serin, sans doute le serin constructeur, mais il ne pouvait l'assurer. Je commençais à croire que Nicolas n'était pas un oiseau, mais bien une fée, quand tout dernièrement j'appris du général Archinard, on ne s'avise pas de tout, que Nicolas était un tisserand cap de mort, que c'était bon, très bon à manger, et qu'au Sénégal, d'où cet oiseau était originaire, le dit général en avait mangé qui était aussi succulent et d'un aussi agréable fumée que de jeunes nègres. Et voici ce qui arriva. Dès que je sus quel était enfin l'espèce à laquelle appartenait Nicolas, je n'eus de repos que par une manie de vieille femme ou de curé, je lui eusse donné une compagne, ainsi que Dieu aima Adam dans le paradis terrestre, s'il faut en croire la Genèse. Mais si les tisserands mâles sont rares, les femelles le sont bien plus encore. Je m'adressai à tous les marchands d'oiseaux de l'Europe sans succès. On n'en avait plus vu depuis longtemps. Peut-être le général Archinard les avait-il toutes mangées. Enfin, il y a un mois, j'en reçus une d'Anvers. Elle paraissait sémillante et fort jolie, jeune à souhait, et coquette à miracle. « Heureux, Nicolas, dis-je. » Et j'introduisis la jolie oiselle dans la cage. Mais, à ma grande stupéfaction, Nicolas manifesta une vive colère. Il hérissa ses plumes et son œil rouge devint violet. Puis il se précipita sur sa compagne qu'il bourra de coups de bec furieux. Je crus d'abord qu'il allait la tuer. La pauvre petite, qui s'attendait évidemment à un autre accueil, voltait dans la cage pour échapper aux brutalités de Nicolas et se meurtrissait les ailes au barreau. Puis, le premier moment de colère passé, Nicolas devint nettement méprisant. Il affecta de ne pas la voir, de ne pas même savoir qu'elle était là, et il lui tourna le dos. Ils vécurent ainsi durant 15 jours. Elle n'osait plus bouger, et c'est timidement, avec toutes sortes de ruses et de détours, qu'elle allait manger son chènevis et son mil. Lui ne chantait plus. Morose et triste, ou plutôt honteux, il ne quittait jamais son perchoir, où il restait immobile, le dos rond et les plumes bouffantes. Et il ne chantait plus, s'obstinait à ne plus chanter quand, par hasard, elle approchait un peu trop près de lui. D'un coup sec, sans bouger de place, il lui donnait du bec dans la tête, affectant, même en cette correction, de ne pas la regarder. Et je sentais son petit regard rouge sur moi, son petit regard chargé de reproches, et qui semblait me dire « Ah, tu veux que je chante ? Eh bien, jamais plus je ne chanterai !» Je fus obligé de lui retirer cette jolie femelle, car il dépérissait, ne mangeait presque plus, oubliait d'aiguiser son bec et de prendre son bain quotidien. C'est aujourd'hui que je me suis décidé à ce divorce, et quand j'eus refermé la porte de la cage et que Nicolas eut compris qu'il était enfin seul, alors il entonna un chant de victoire, plus étrangement rauque et guttural que jamais. Et parmi des danses inouïes, des bamboulas désordonnées, ce chant qui donnait de la flûte, du tambour, de la locomotive, du grincement de la porte, du déchirement de la toile, se prolongea sans un arrêt jusqu'au soir. Annexe. Octave Mirbeau, 1848-1917, a été un journaliste très prolixe. Il publia près de 1400 articles dans des dizaines de journaux. Les trois articles qui suivent sont intéressants par les thèmes que Mirbeau ressassera dans ses contes. l'école de l'assassinat. Je suis allé dimanche dans un village des environs de Paris dont c'était la fête patronale. Sur la grande place décorée de feuillages, d'arcs fleuris, de mâts pavoisés, étaient réunis tous les genres d'amusements en usage dans ces sortes de réjouissances populaires. Et sous l'œil paternel des autorités locales, une foule de braves gens se divertissait. Ah, quels braves gens! Les chevaux de bois, les montagnes russes, les balançoires n'attiraient que fort peu de monde. En vain les orgues nasillaient les airs les plus gais et les plus séduisantes ritournelles. D'autres plaisirs, mieux appropriés au goût moderne, requéraient cette foule en fête. Les uns tiraient à la carabine ou à l'arbalète, sur des cibles figurant des visages humains. Les autres assommaient à coups de balle des marionnettes rangées sur des barres de bois. Cela frappait à coups de maillet sur un ressort qui faisait mouvoir un marin français, lequel allait transpercer de sa baïonnette à l'autre bout d'une planche la poitrine d'un lamentable chinois. Partout, sous les tentes et dans les petites boutiques illuminées, des simulacres de mort, des parodies de massacres, des représentations d'hécatombes, et ces braves gens étaient heureux. Je remarquai même que ces divertissements pacifiques ont, depuis quelques années, pris une extension considérable. La joie de tuer est devenue plus grande à mesure que les mœurs vont s'adoucissant. Car les mœurs s'adoucissent, du moins les plus éminents chroniqueurs l'affirment. Aussi, l'imagination des forains, sous l'influence de cette douceur, en est-elle arrivée à donner au jeu champêtre une exclusive apparence de vrai meurtre qui est bien plus engageante et louable. C'est charmant. Autrefois, alors que nous étions encore des sauvages, sans doute, les tirs dominicaux étaient d'une pauvreté, d'une froideur répugnante. Il manquait vraiment de suggestions. On ne tuait que des pipes et des coques d'œufs, dansant au bout des jets d'eau. Dans les établissements les mieux installés, il y avait bien des oiseaux, mais ils étaient de plâtre. Et le plâtre, il faut le reconnaître, ne donne pas la moindre illusion du sang. Tuer du plâtre, ce n'est pas tuer de la vie, c'est même ne rien tuer du tout. Le plâtre ne se tord pas, ne râle pas. On ne peut obtenir de lui quelque chose qui ressemble à une convulsion d'agonie. Quel régal à cela, je vous le demande. Aujourd'hui, le progrès est venu. Il est loisible à tout honnête homme de se procurer, pour deux sous le coup, l'émotion délicieuse et civilisatrice de l'assassinat. Encore y gagne-t-on, par-dessus le marché, des assiettes peintes et des vases de verre coloriés. Aux pipes, aux oiseaux, à ces objets inertes, qui se cassent bêtement sans rien vous suggérer, on a substitué des figures d'hommes, de femmes, d'enfants, soigneusement habillées. Puis on a fait remuer ces figures, on les a fait marcher. Au moyen d'un ingénieux mécanisme, elles se promènent ou fuient, seules ou par groupe. On les voit apparaître dans ce paysage en décor, escalader des murs, entrer dans des donjons, dégringoler par des fenêtres, sortir par des trappes. Elles fonctionnent comme des êtres réels, ont des mouvements du bras, de la jambe, de la tête. Vraiment, l'on peut s'imaginer qu'elles ont une âme, une intelligence, qu'elles sont vivantes. Enfin, quelques-unes prennent des attitudes pathétiques. Elles semblent dire « Grâce, ne me tue pas ». La sensation est exquise de penser que l'on va tuer des choses qui bougent, qui avancent, qui semblent parler, qui supplient. En dirigeant contre elle la carabine ou le pistolet, il vous vient à la bouche comme un petit goût de sang. Aussi, quelle joie quand la balle décapite ses semblants d'hommes. Quel trépignement lorsque la flèche crève les poitrines de carton et couche par terre les corps inanimés dans des positions de cadavres. Chacun s'excite, s'encourage, s'acharne. On n'entend que des mots de destruction et de mort. « Crève-le ! Il a son affaire ! Vise-le à l'œil, ce cochon-là » Autant il reste indifférent, sans passion, devant les canons et les pipes. Autant il s'exalte si le but est représenté par une figuration humaine. Les maladroits s'en colère, non contre leur maladresse, mais contre la marionnette qu'ils ont manquée. Ils la couvrent d'injures ignobles, la traitent de lâche lorsqu'elle disparaît derrière la porte du donjon. « Viens-y donc !» Et il recommence à tirer dessus avec rage. Jusqu'à ce qu'il l'ait tué. Examinez-les. En ce moment, ce sont bien des assassins, mus par le seul désir mystérieux de tuer. La brute homicide qui tout à l'heure dormait au fond de leur tête, de leur être, s'est réveillée, fatale et farouche, devant cette illusion qu'ils vont détruire quelque chose qui vivait. Car pour eux, le petit bonhomme en canon qui passe et repasse n'est plus un joujou, un morceau de matière inerte sur lequel doit s'exercer leur adresse. À le voir passer et repasser inconsciemment, il lui prête une chaleur de circulation, une sensibilité de chair, une pensée, une volonté, toute chose qu'il est si âprement doux d'anéantir, si délicieusement féroce de sentir s'égoutter par des plaies que vous avez faites. Ils vont même jusqu'à le gratifier d'opinions politiques ou religieuses qu'ils abhorrent, afin d'ajouter une haine particulière à cette haine générale de la vie, et doubler ainsi d'une vengeance savourée l'instinctif plaisir de tuer. Examinez-les. Dans leurs yeux, lui, la folie hideuse du meurtre. Ah, ils s'amusent, je vous en réponds, ces braves gens. Lorsque je lis quelque part qu'un homme a été condamné à mort parce qu'il a tué, cela me semble toujours une chose extraordinaire et d'une déroutante injustice. Je comprendrais qu'on condamne à mourir les gens qui se refusent à tuer. Ce sont des réfractaires au devoir social. Mais guillotiner ceux qui tuent, n'est-ce point d'un illogisme et d'une prétention qui confinent à la folie? En une société telle que l'on fête les lois, les habitudes, les éducations, les religions. Le besoin de tuer naît chez l'homme avec le besoin de manger et se confond avec lui. Ce besoin instinctif, qui est la base, le moteur de tous les organismes vivants, l'éducation le développe au lieu de le réfréner, les religions le sanctifient au lieu de le maudire, tout se coalise pour en faire le pivot sur lequel tourne la société. Dès que l'homme s'éveille à la conscience, on lui insuffle l'esprit du meurtre dans le cerveau. Le meurtre grandit jusqu'au devoir, popularisé jusqu'à l'héroïsme, l'accompagnera dans tous les stades de la vie. On lui fera adorer des dieux dont les distractions se plaisent aux cataclysmes et qui fauchent les peuples comme des champs de blé. On ne lui fera respecter que des héros, tout rouges de sang humain. Les vertus par où il s'élèvera au-dessus des autres, par quoi il espérera conquérir la gloire, la fortune, l'amour, comme le courage par exemple, s'appuieront uniquement sur le meurtre. Il trouvera dans la guerre la suprême synthèse de l'éternelle et universelle folie du meurtre régularisé, bureaucratisé, du meurtre obligatoire, considéré comme une nécessité à laquelle il n'a pas le droit de se soustraire, du meurtre vers lequel il ne se sent pas entraîné, par l'assouvissement d'une vengeance, d'un vice, et la satisfaction d'un intérêt ou l'horrible joie d'un plaisir physiologique. Du meurtre, enfin, qui est une fonction sociale. Où qu'il aille, quoi qu'il fasse, toujours il verra ce mot, meurtre, immortellement inscrit au fronton de ce vaste abattoir qui s'appelle l'humanité. Alors cet homme à qui vous avez inculqué le mépris de la vie humaine, que vous vouez à l'assassinat, quand c'est votre bon plaisir, pourquoi voulez-vous qu'il recule devant le meurtre, quand c'est son intérêt de tuer? Au nom de quel droit, de quel principe, la société va-t-elle condamner des assassins comme Pranzini et ce terrible Hoyos, qui n'ont fait en réalité que se conformer aux lois homicides qu'elle édicte et suivre les exemples sanglants qu'elle nous donne? Ces bandits, du moins, avaient une excuse supérieure à celle que pourraient invoquer Napoléon et Bismarck. Nous n'avons pas fait les lois, dirait-il. Nous ne sommes pour rien dans les constitutions sociales. Qu'est-ce que vous voulez? Un jour, vous nous dites de tuer. Vous nous forcez à assommer un tas de gens que nous ne connaissons pas, contre lesquels nous n'avons pas de haine. Et plus nous tuons, plus vous nous décorez. Un autre jour, confiant dans votre protection, nous égorgeons des êtres, parce que nous désirons leur argent, leurs femmes, que sais-je. Nous avons une raison, enfin. Et vos gendarmes viennent nous arrêter? Hier cela vous plaît, aujourd'hui cela vous déplaît. Il faudrait pourtant s'entendre. Article paru le 23 juin dans le Figaro, 1889. Deuxième conte, ou deuxième réflexion. En écoutant la rue, nous étions réunis quelques amis, artistes et poètes, et nous causions de ce qui, en ce moment, de très particulière folie, préoccupe le monde. Au dehors, dans la rue, La foule roulait ses vagues, déferlantes et hurlantes. Les murs des maisons en étaient ébranlés. Les glaces des appartements vibraient comme des orgues. Mais aucune clameur de menace ne montait de cette tempête humaine. Rien que des cris pacifiques, des acclamations joyeuses. Et ces acclamations étaient si notoirement, si merveilleusement joyeuses, que plusieurs, parmi ceux qui les poussaient, mouraient étouffés, congestionnés ou piétinés, afin de bien démontrer le désir de paix de la France. Quelqu'un dit « Si un empereur, encore tout imprégné des rudes idées du Moyen-Âge, ou un roi près de la faillite, ou un ambitieux quelconque, comptait sur ces fêtes et sur notre enthousiasme provocateur pour y trouver un prétexte à déchaîner sur nous la guerre, je crois qu'il s'est grossièrement trompé. Le mouvement est donné, le courant établi. Il va vers les grandes lumières de la paix. Et celui qui tenterait de détourner sa marche serait bien mal avisé, j'imagine. D'ailleurs, moi, je crois que la guerre est impossible aujourd'hui. » L'un de nous objecta. « Tout le monde la prépare, tout le monde la désire. Oui, mais personne n'ose la déclarer. Et voici pourquoi. Aucune armée n'est prête à se battre. J'ai suivi cette année les grandes manœuvres. Rien dans cette opération n'est laissé au hasard. Tout y est prévu, calculé, combiné. La victoire comme la défaite, selon des ordonnances préalablement fixées dans les bureaux du ministère. Les masses humaines qu'on y fait évoluer sont relativement peu embarrassantes. 30 000 hommes, inférieurs de beaucoup à ce qu'elles seraient en temps de guerre. Tous les services devraient fonctionner à merveille. Eh bien, nous crevions de faim. Les distributions de vivres n'avaient lieu, la plupart du temps, qu'à minuit. Jamais l'intendance n'arrivait à l'heure. Notez qu'en Allemagne, c'est la même chose. Imaginez une guerre et 500 000 hommes de chaque côté seulement. Or, si l'intendance est incapable de ravitailler 30 000 soldats, comment fera-t-elle pour en nourrir 500 000, alors qu'il lui faudra compter sur l'imprévu? Je vois très bien ceci. Le combat cessant, faute de combattants. Ne pouvons-nous figurer les surprises de tout genre que nous réserve le maniement de ces innombrables armées? Croyez bien que les spécialistes se rendent compte de cette difficulté technique et que cette terrible inconnue de l'armée moderne n'est pas sans glacer un peu leur enthousiasme. Mais il y a une autre raison. Il y a quelques années, j'étais de passage à Cherbourg. Ce jour-là, justement, on y faisait des expériences de méninite. J'obtins d'y assister. Un grand ponton, une immense ancienne frégate de 4000 tonnes, avait été conduite au large. On tira sur elle un obus, un seul obus chargé de mélinite. L'obus atteignit le ponton en plein bordage. Lorsque la fumée fut dissipée, je ne vis plus rien sur la mer. Le ponton avait disparu, s'était évanoui comme une trappe de ferry. Ce n'est que quelques minutes après la terrible secousse que je pus apercevoir des débris émiettés, des épaves déchiquetées flottant sur les eaux redevenues calmes. Et je compris que pas une ville ne resterait debout, que les forêts seraient fauchées, que le silence se ferait sur la terre. Emporté de ce spectacle et des visions soudaines qu'il mit dans mon esprit, l'impression que la guerre qu'il emploie de tels moyens de destruction est impossible. Toujours le paradoxe. Ce n'est pas un paradoxe. Écoutez-moi et comprenez-moi. Je suis persuadé qu'il existe dans la nature une force mystérieuse pour nous, une force que nous ne connaissons pas encore, car que connaissons-nous? Une force qui n'est peut-être après tout que la vie, et contre laquelle, à de certains moments d'excessive épouvante, se brise le génie destructeur de l'homme. La vie aime la mort, elle a besoin de la mort, comme la terre de fumier, puisque c'est de la mort qu'elle tire chaque jour, à toute heure, son renouveau de jeunesse et ses énergies de fécondité. Mais elle est plus forte que la mort. Elle la dirige, la maintient, la contient dans un équilibre constant et dans une parfaite harmonie. Tenez, pouvez-vous m'expliquer comment et pourquoi se terminent les épidémies de choléra, par exemple? Les savants nous disent comment elles arrivent, mais comment s'en vont-elles? Non, il y a quelque chose que nous ne comprenons pas, et qui nous protège, et qui domine la folie des peuples, et les caprices des empereurs, et l'avidité de la mort. Et je crois que nous touchons à un de ces moments où, la guerre éclatant, l'harmonie entre la vie et la mort serait rompue. Et la nature proteste, non point par bonté, car elle ignore la bonté, mais par nécessité, et elle dit à l'homme, tu n'iras pas plus loin dans la mort,

sous les paupières fripées. Ensuite, il resta fixe sur moi dans de l'épouvante. Sans rien dire, je me rassis. Et d'un air indifférent, je regardais le paysage. À chaque minute, l'épouvante grandissait dans le regard de l'homme qui, peu à peu, se tachait de rouge, se violaçait. Jusqu'à Paris, le regard de l'homme garda une effrayante fixité. Quand le train s'arrêta, l'homme ne descendit pas. Le narrateur alluma une cigarette à la flamme d'une bougie et il dit, dans une bouffée de fumée, « Je crois bien, il était mort. Je l'avais tué d'une congestion cérébrale. » Le journal, 31 mai 1896. Le tripot au champ. Sommes-nous donc dans une époque d'irrémédiable décadence? Plus nous approchons de la fin de ce siècle, plus notre décomposition s'aggrave et s'accélère, et plus nos cœurs, nos cerveaux, nos virilités vont se vidant de ce qui est l'âme, les nerfs et le sang même d'un peuple. L'anémie a tué nos forces physiques, la démocratie a tué nos forces sociales, et la société moderne, rongée par ses deux plaies, attachée à son flanc, ne sait plus où elle va, vers quelle nuit, au fond de quels abîmes on l'entraîne. La démocratie, cette grande pourrisseuse, est la maladie terrible dont nous mourons. C'est elle qui nous a fait perdre nos respects, nos obéissances, et y a substitué ses haines aveugles, ses appétits salissants, ses révoltes grossières. Grâce à elle, nous n'avons plus conscience de la hiérarchie et du devoir, cette loi primitive et souveraine des sociétés organisées. Nous n'avons même plus conscience des sexes. Les hommes sont femmes, les femmes sont hommes, et ils s'en vantent. Rien ni personne à sa place. Et nous allons, dans un pêle-mêle effroyable d'êtres et de choses, au milieu desquels Dieu lui-même a peine à se reconnaître, et semble épouvanté de son œuvre immortelle, et qui meurt pourtant. Au-dessus de ce chaos, formé de toutes les dignités brisées, de toutes les consciences mortes, de tous les devoirs abandonnés, de toutes les lâchetés triomphantes, se dresse de place en place pour bien marquer l'affolement du siècle et l'universel détraquement de nouvelles et particulières élévations sociales. Ce qui, autrefois, grouillait en bas, resplendit en haut aujourd'hui. Le domestique a jeté sa livrée à la tête de son maître et se pavane dans ses habits. Non seulement il est devenu son égal, mais il le domine. Il n'obéit plus, il commande. Aristocratie de l'écurie et de l'office, succédant à l'aristocratie de l'honneur et du sang. Quant au maître, lui, s'il n'a pas encore revêtu la livrée du domestique, il se pavane dans ses vices et dans ses plaisirs, et il n'en rougit plus. On dit, sans doute, mais c'est Paris, Paris seul, et Paris n'est qu'un point dans la France. Et l'on tourne ses regards vers la campagne, comme pour y respirer des souffles d'honnêteté, des odeurs saines du travail. On se console en pensant aux prairies humides et vertes, où paissent les grands bœufs, aux champs d'or où le blé mûrit, où l'homme peine, courbé vers la terre qui nous donne le pain. Eh bien, vous allez voir, le paysan, comme tout le monde, veut être de son siècle, et il suit, comme tout le monde, le vertige de folie où tout dégringole. On peut dire même qu'il n'y a plus de paysan. Chaque matin, l'aube a-t-elle, derrière le coteau, montré le bout de son nez rose, que me voilà debout. Et j'arpente la campagne. Moment délicieux. Les arbres s'éveillent au chant des pinsons, les prés s'étirent plus verdissants. À chaque brin d'herbe tremble une gouttelette de rosée, de partout où viennent d'exquis parfums qui montent de la terre avec les brumes. C'est l'heure charmante où l'alouette s'élève dans le ciel, salue de ses trilles et de ses roulades, le matin jeune, virginal et triomphant. Et le jour grandit, empourprant les étalants sur les moissons de grandes nappes rouges qui ondulent sous la brise légère. Une chose m'étonne, je ne vois personne au champ. Dans les petits hameaux, toutes les portes verrouillées, tous les volets clos. Aucune auberge, aucun débit de boisson ouvert. Les fermes elles-mêmes dorment profondément. Seuls les chats rôdent et les poules gloussent à l'entour. Pourtant nous sommes au moment des foins. J'aperçois autour de moi des prés à moitié fauchés, des lucernes abattues, des meules énormes que les botteleurs ont entamées. Où donc sont-ils, les faneurs et les faneuses? et les lourdes charrettes dont les jantes mal ferrées crient sur les ressauts des chemins de traverse, et les chevaux qui hennissent, et les faux qui sifflent dans l'herbe. Aucune forme humaine ne surgit entre les halliers, aucun bruit humain ne m'arrive, partout le silence et partout la solitude. Le soleil est déjà haut dans le ciel, l'air commence de s'embraser. Pour entrer chez moi, je cherche les couverts, les petites routes touffues, les sentes enverdurées. Il est 7 heures. Il n'y a pas si longtemps, les paysans qui se couchaient avec le soleil se levaient aussi avec lui. Aujourd'hui, en plein été et en pleine moisson, ils ne se lèvent guère qu'à 7 heures, les paupières encore bouffies de sommeil, les membres là, comme brisés par des nuits de plaisir. C'est vers 7 heures que la vie revient, mais une vie lourde, inquiète. On dirait qu'il y a des remords et des effarements. On les voit, les paysans, sortir lentement de leur demeure paresseuse, qui souffrent à regret, l'une après l'autre. Se frotter les yeux, bâiller, s'étirer et partir, d'un pas ennuyé et traînard à leur ouvrage. Et il va donc falloir travailler. Au risque de voir leur foin pourrir, ils eussent préféré peut-être que la pluie tombât, car ils seraient restés à la maison, ou bien ils auraient été boire avec les camarades au cabaret du bourgeoisin. Ô paysan sublime, toi, dont Millet, Jean-François Millet, peintre français, 1814-1875, a chanté la mission divine, Dieu de la terre créatrice, semeur de vie, engendreur auguste de pain. Tu n'es donc plus comme les autres dieux, que fantômes d'autrefois. Tu n'es donc plus le dieu sévère, à la peau hâlée, au front couronné de pampres rouges et de moissons d'or. Le suffrage universel, en t'apportant les révoltes et les passions, et les pourritures de la vie des grandes villes, t'a découronné de ta couronne de gerbes magnifiques, où l'humanité tout entière venait puiser le sang de ses veines. Et te voilà tombé, pauvre géant, aux crapules de leur homicide et de l'amour maudit. On s'étonne même de ne pas te voir en jaquette, un monocle à l'œil. Le paysan n'est plus le terrien robuste et songeur, né de la terre, qui vivait d'elle et qui mourait là où, comme le chêne, il avait poussé ses racines. Les tentations de l'existence, oisives des villes, l'ont en quelque sorte déraciné du sol. Il voit Paris non comme un gouffre où l'on sombre et qui vous dévore, mais comme un rêve flamboyant où l'or se gagne, s'enlève à large pelletée, où le plaisir est sans fin. Beaucoup s'en vont, ceux qui restent se désaffectionnent de leurs champs. Ils traînent leurs ennuis sur la glèbe, tourmentés par des aspirations vagues, des idées confuses, d'ambitions nouvelles et de jouissances qu'ils ne connaîtront jamais. Alors ils se réfugient au cabaret que la politique énervante d'aujourd'hui a multiplié dans des proportions qui effraient. En un village de 300 habitants où il n'y avait autrefois que 5 cabarets, il y en a 15 maintenant, et tous font leurs affaires. Plus de règlement, plus de police. Ils ferment le soir à leur convenance, ou ne ferment pas, si bon leur plaît. Certains de n'être jamais inquiétés. Car c'est là que les volontés s'abrutissent, que les consciences se dégradent, que les énergies se domptent et s'avilissent. Véritable maison de tolérance électorale, bouche de corruption administrative, marquée au gros numéro du gouvernement. Le cabaret non seulement donne à boire, mais il donne aussi à jouer. De grosses parties, où le paysan, sur un coup de carte, risque ses économies, sa vache, son champ, sa maison, où il y a des filous qui trichent et des usuriers qui volent, toute une organisation spéciale et qui fonctionne le mieux du monde. À part le luxe, les tapis, les torchères dorées, les tableaux de prix, les valets de pied en culottes courtes et les colonels décorés, on se croirait dans certaines maisons bornes de Paris. Ce sont mêmes passions, hideuses, mêmes avidités, mêmes effondrements. La vie du cercle, enfin. C'est là que le paysan, à la lueur trouble d'une chandelle qui fume, les coudes allongés sur une table de bois blanc, en face des portraits de Gambetta, de Mazeppa, de Poniatowski, accrochés au mur, c'est là qu'il passe ses nuits, avalant des verres de torboyau, remuant des cartes graisseuses, échiffonnant de sales filles, des Chloé, des Peignets et Soules, dont les villages pullulent aujourd'hui, car il faut que la campagne ne puisse plus rien envier aux ordures de Paris. Le laboureur, un ancien qui me donnait ses renseignements, continua. « Ah, ce sont des messieurs, je vous assure, à qui il faut maintenant toutes les aises de la ville. Croyez-vous qu'ils exigent de la viande à tous les repas ? Oui, monsieur, à tous les repas. On ne peut plus trouver un ouvrier à l'heure présente, si on ne s'engage à le gaver de bœuf, de mouton, de volaille. » D'un tas de bonnes choses, enfin, dont nous autres n'avons jamais eu l'idée, si ça ne fait pas suer. Je parie que bientôt, ils exigeront du vin de champagne. Mon Dieu, s'ils travaillaient encore, ils n'auraient que demi-mal. Mais va te faire fiche. Ils arrivent à l'ouvrage à 7 heures, monsieur, toujours mal, en train, se plaignant de ceci, de cela, de tout. Pourtant, ce n'est pas la besogne qu'ils font, bien sûr qu'ils les fatiguent, oh non. Je ne sais pas, en vérité, ce que nos pauvres champs deviendront dans quelques années. Quand je pense à cela, voyez-vous, ça me fait presque pleurer. De notre temps, monsieur, nous mangions de la soupe toute la semaine, et puis, le dimanche, on se régalait d'un petit morceau de lard. Nous nous portions bien, et nous étions alertes au travail. En été, dès 3 heures, dans les champs, nous rentrions avec le soleil couchant. Et nous étions heureux, tout de même. Mais ce temps est passé, et il ne reviendra plus. Tenez, monsieur, on n'avait jamais vu ça par chez nous. Eh bien, maintenant, il n'y a pas de mois qu'on apprenne qu'un tel s'est jeté à la rivière, ou bien pendu à même un pommier. Il n'y a pas 3 jours, Jean Colas, qui possédait un beau bien, le plus beau de la contrée, on l'a trouvé accroché à une poutre de la grange et tout noir. Il avait perdu ça avec la boisson, avec le jeu, avec les femelles. Oh, les chasses églogues, oh, les idylles chantées par les poètes, oh, les paysanneries enruannées et naïves qui défilent, conduites par la muse de Madame des Houlières, au son des flageolets et des tambourins. Et ces bonnes grosses figures épanouies de bonheur, ignorantes et simples, et ces délicieuses odeurs d'étables et de foin coupés qui parfument nos imaginations rêveuses et nos tendres littératures. Mirage comme le reste, mirage comme la vertu, comme le devoir, comme l'honneur, comme l'amour. Mirage comme la vie. Le soir après dîner, je me promenais sur la route en compagnie de mon ami et voisin, le vieux paysan, celui qui ne parle jamais. Un reste de jour sombre traînait encore sur les champs, bien que le soleil eût disparu derrière le coteau, d'où montait une grande lueur rouge. Une caille, piétant dans le trèfle, chantait. Quand nous nous asseyions sur le talus bien garni à cet endroit de mousse et d'herbe sèche, une femme, tirant péniblement une petite charrette à bras, vint à passer. Dans la charrette, un homme maigre et très pâle était couché tout de son long, qui toussait beaucoup et se plaignait. 4 enfants, dont le plus âgé pouvait avoir 7 ans, trottinaient déguenillés et pieds nus autour du pauvre convoi. « Femme, dit l'homme pâle d'une voix dolente, va moins vite, moins vite. Ça me secoue et ça me fait du mal. » Et j'entendis une plainte à laquelle succédèrent aussitôt un cri, puis un juron. La femme ralentit le pas, évita une grosse pierre jetée au milieu de la route, et l'aîné des enfants, pour soulager sa mère, se mit à pousser la charrette doucement. Bientôt, le bruit des roues qui criaient sur le sable alla s'affaiblissant, et voitures, femmes, enfants disparurent au tournant du chemin. Cette scène m'avait rendu mélancolique, et le vieux branlait la tête. Je lui demandai, « Qui sont ces pauvres gens ?»« Des gens d'ici, » répondit-il. Le vieux, paraissant ce soir-là d'humeur à causer, je le poussai de questions. « je les connais bien. La femme, une rude travailleuse. L'homme, un feignant, un vaurien. Pourtant, dans le fond, ce n'était pas méchant. La femme avait un petit bien, avec ses économies. Elle avait bâti une petite maison, là, pas bien loin. Si vous saviez ce que c'est que les économies des gens comme nous, avec quoi c'est fait, ce qu'il faut de temps, de privation, de fatigue, de courage, pour amasser, sou par sou, la valeur d'une misérable maison. Si vous saviez cela. Et puis elle s'est mariée à ce feignant. Un beau gars. Ça lui avait tourné la tête. Mais voilà que pendant qu'elle trimait, qu'elle se mangeait les sangs de travail, lui faisait monsieur le joli cœur, toujours à la ville, à se saouler avec les amis, à jouer, et à faire le diable sait quoi. Et l'argent filait, vous comprenez. À force de s'amuser, il est tombé malade, il y a 2 ans. Tout le monde ignore ce qu'il a dans le corps. Mais ce n'est pas bon, pour sûr. Au lieu de laisser crever comme un chien qu'il était, la femme le soigna. Ah, c'était bête la façon dont elle le soigna. Les drogues, le médecin, vous pensez, si c'est cher, toutes ces voleries-là, sans compter qu'il n'y avait rien de trop bon, du pain blanc, de la viande, du vin. Donc il a fallu emprunter, et puis emprunter encore. Et l'huissier est venu une fois, et il a vendu les meubles. Une autre fois, c'est l'avoué qui est arrivé, et il a vendu la maison. Alors, ils n'ont plus rien, rien que le ciel qui est au bon Dieu, et la route qui est à tout le monde. Mais où vont-ils ainsi? Je ne sais pas, ils trouveront ce soir à coucher dans une grange. Et demain, ils recommenceront à aller par les chemins. Peut-être qu'on voudra bien de l'homme à l'hospice. Et la femme, et les enfants. Le vieux fit un geste qui évidemment signifiait « à la grâce de Dieu ». Il fut impossible de lui arracher une autre parole. Nous rentrâmes. Au moment de nous séparer, le vieillard redressa sa taille courbée et, étendant son poing noueux et crevassé dans la direction de la ville dont on apercevait sous la lune les deux clochers émergeant au-dessus des maisons entassées, il s'écria « Que la foudre du ciel t'écrase, toi qui nous prends nos enfants, toi qui les tues, voleuse, assassine, salope !» Le père Nicolas. Il y avait deux longues heures que nous marchions dans les champs, sous le soleil qui tombait du ciel comme une pluie de feu. La sueur ruisselait sur mon corps, et la soif, une soif ardente, me dévorait. En vain, j'avais cherché un rue dont l'eau fraîche chante sous les feuilles, ou bien une source, comme il s'en trouve pourtant beaucoup dans le pays. Une petite source qui dort dans sa niche de terre moussue, pareille aux niches où nichent les saints campagnards. Et je me désespérais, la langue desséchée, la gorge brûlante. « Allons jusqu'à la Hurtaudière, cette ferme que vous voyez là-bas, » me dit mon compagnon. « Le père Nicolas nous donnera du bon lait. » Nous traversâmes un large guéret dont les mottes crevaient sous nos pas en poussière rouge. Puis, ayant longé un champ d'avoine étoilé de bluets et de coquelicots, nous arrivâmes en un verger où des vaches à la robe brun gelé dormaient couchées à l'ombre des pommiers. Au bout du verger était la ferme. Il n'y avait dans la cour, formée par quatre pauvres bâtiments, aucun être vivant, sinon les poules picorant le fumier qui, tout près de la bergerie, baignait dans un lit immonde de purin. Après avoir inutilement essayé d'ouvrir les portes fermées et barricadées, mon compagnon dit « Sans doute que le monde est au champ. » Pourtant, il est là. « Père Nicolas ! Hé, Père Nicolas ! » Aucune voix ne répondit. Hé, Père Nicolas ! » Ce second appel n'eut pour résultat que d'effaroucher les poules qui s'égayèrent en cloussant et en battant de l'aile. « Père Nicolas ! » Très désappointé, je pensais sérieusement à aller traire moi-même les vaches du verger, quand une tête de vieille femme, revêche, ridée, toute rouge, apparut à la porte entrebâillée d'un grenier. « Qu'un ! » s'écria la paysanne. « C'est-y vous, monsieur Joseph ? Je vous avais en point remis. » Bien sûr, tout de suite. Faites excuses. Et la compagnie ? » Et elle se montra tout à fait. Un bonnet de coton dont la mèche était ramenée sur le front enserrait sa tête, une partie des épaules et le cou, qu'on eût dit de briques tant ils avaient été cuits et recuits par le soleil, sortaient, décharnés, ravinés, des plis flottants de la chemise de grosse toile que rattachait aux hanches un jupon court d'enfant à rayures noires et grises. Des sabots, grossièrement taillés à même le tronc d'un bouleau, servaient de chaussures à ses pieds nus, violets et gercés, comme un vieux morceau de cuir. La paysanne ferma la porte du grenier, assujettit l'échelle par où l'on descendait, mais avant de mettre le pied sur le premier barreau, elle demanda à mon compagnon « C'est-y vous qu'avions allé après le père Nicolas, mon homme ?»« Oui, la mère, c'est moi. »« Qu'est-ce que vous lui vouliez au père Nicolas ?» Il fait chaud, nous avions soif, et nous voulions lui demander une jatte de lait. « Espérez, mais, monsieur Joseph, je vais à quand vous ?» Elle descendit le long de l'échelle, lentement, en faisant claquer ses sabots. « Le père Nicolas n'est donc point là ?» interrogea mon compagnon. « Faites excuse, » répondit la vieille. « Il est là. »« Ah, parce que si, yeah, le pauvre bonhomme, pas prêt à démarrer, pour sûr. On l'a mis en bière ce matin. » Elle était tout à fait descendue. Après s'être essuyé le front, où la sueur coulait par larges gouttes, elle ajouta « Ouais, monsieur Joseph, il est mort, le père Nicolas. Ça y est arrivé hier, dans la soirée. » Comme nous prenions une mine contristée. « Ça ne fait rien, rien en tout, » dit-elle. « Allez entrer vous rafraîchir un brin. Et vous mettez à vous l'aise. Attendez-moi que je vais crier ce qu'il faut. » Elle ouvrit la porte de l'habitation, fermée à double tour. « Entrez, messieurs, et ne vous gênez point. Faites comme chez vous. Venez, leve-la, le père Nicolas. » Sous les poutres enfumées, au fond de la grande pièce sombre, entre les deux lits drapés d'indiennes, sur deux chaises, était posé un cercueil de bois blanc, à demi recouvert d'une nappe de toile écrue, qu'ornait seulement le crucifix de cuivre et le rameau de buis béni. Au pied du cercueil, on avait apporté une petite table sur laquelle une chandelle, en guise de cierge, achevait de se consumer tristement, et où s'étalait un pot de terre brune, plein d'eau bénite, avec un mince balai de genêt servant d'aspergeoir. Ayant fait le signe de croix, nous jetâmes un peu d'eau sur la bière, et sans rien dire, nous nous assîmes devant la grande table en nous regardant ahuris. La mère Nicolas ne tarda pas à rentrer. Elle apportait avec précaution une vaste jatte de lait qu'elle déposa sur la table en disant « Vous pouvez bien en boire toute votre soupe, allez, il n'y en a pas de plus bon et de plus fait. » Pendant qu'elle disposait des bols et qu'elle tirait de la huche la bonne miche de pain vie, mon compagnon lui demanda « Était-il malade depuis longtemps, le père Nicolas ?»« Point en tout, monsieur Joseph, » répondit la vieille, « pour dire depuis quelque temps, il n'était pas vaillant. Ça tracassait dans les poumons, le sang, ce que je créais. De coup, il était venu blanc, puis violet, puis noir, puis il était chu, quasiment mort. Vous n'avez donc pas été chercher le médecin ?»« Bien sûr, non, monsieur Joseph. » »« J'en point été le guéri, le médecin. » Pour malade, il n'était point malade, pour dire. Ça n'empêchait point d'aller à droite, à gauche, de virer partout avec les gars. Hier, je vais au marché. Quand je reviens, n'a-t-il pas que le père Nicolas était assis, la tête contre la table, les bras ballants, et qui ne bougeait pas plus qu'une pierre. Mon homme, j'ai dit, rien. Père Nicolas, mon homme, j'ai dit contre l'oreille. Rien tout. Alors je bouge comme ça. Mais v'là-t-il pas qui se met à branler, puis qui chute sur le plancher, puis qui reste sans seulement mouver une patte. Et noir, quasiment comme du charbon. Bon sang, ce que je dis, père Nicolas, qu'est mort. Elle était mort, monsieur Joseph, tout à fait mort. Mais vous ne buvez point. Ne vous gênez pas, j'en ai encore, allez. Et puis, je faisons point le beurre en ce moment. C'est un grand malheur, dis-je. « Qu'est-ce que vous voulez ?» répondit la paysanne. « C'est le bon Dieu qu'il veut, bien sûr. »« Vous n'avez donc personne pour le veiller ?» interrompit mon compagnon. « Et vos enfants ?»« Oh, il n'y a pas de danger qu'ils s'en aillent, le pauvre bonhomme. Et puis, les gars sont au champ, à rentrer les foins. Faut pas que la besogne chôme pour ça. Ça ne ferait point revenir, dites. Puis qu'il est mort. » Nous avions fini de boire notre lait. Après quelques remerciements, nous quittâmes la mère Nicolas, troublée, ne sachant pas s'il fallait admirer ou maudire cette insensibilité du paysan dans la mort qui pourtant fait japper douloureusement les chiens dans le chenil vide, et qui met comme un sanglot et comme une plainte au chant des oiseaux près des nids dévastés. Le crapaud. J'avoue que j'aime le crapaud, bien qu'il soit hideux et couvert de bustules, qu'il rampe sur un ventre jaune sale, qu'il ait la démarche grotesque, et qu'il se plaise au fond des vieux trous ou sur la bourbe des eaux croupies. Cet animal ne m'inspire aucune répulsion. Je n'ai nul dégoût à le prendre dans ma main et à lui dire les paroles de tendresse niaises que murmurent les concierges aux oreilles de leurs affreux roquets. Que de poignées de main j'ai donné à des hommes dont la peau était peut-être plus blanche et lavée au champagne, mais dont l'âme était infiniment plus immonde que celle du crapaud. Car, n'en doutez pas, s'il est vrai que l'homme possède une âme, le crapaud, le pauvre crapaud, en possède une aussi, et combien meilleure. L'avez-vous observé quand, après avoir aidé sa femelle à se débarrasser de ses œufs, il enroule lui-même autour de ses propres cuisses les précieux chapelets? Il les porte partout avec lui, plus prudent, plus ingénieux que jamais, de façon à ce qu'aucun de ses œufs ne se détache. Et lorsqu'ils sont prêts d'éclore, il les dépose dans une mare au meilleur endroit et les défend courageusement contre les salamandres et les mourons. Il n'y a pas, dans toute la création, un être plus haï que le crapaud. Les femmes, à sa vue, poussent des cris d'horreur. Et si par malheur son corps a frôlé le bout de leur jupe, elles s'évanouissent. L'ignorante brutalité du passant lui déclare une guerre sans merci. Quand, après les averses, on le rencontre par les chemins, qui sautille gauchement sur ses pattes courtes et plissées, on l'assomme d'un coup de bâton, on lui lance des pierres qui l'écrasent. Cet homme maudit, maudit comme le sergent de ville que les surins guettent au détour des rues nocturnes, comme le gendarme dont on retrouve le corps mutilé au fond d'une marnière, près du bois hanté des braconniers, comme tout cela qui se dévoue à une œuvre juste, utile et bienfaisante, sans autre récompense que le mépris et la haine des foules. Ce n'est point seulement à cause de sa laideur qu'on déteste, c'est surtout à cause de la mission, à la fois protectrice et justicière, qu'il accomplit dans la nature. Le crapaud détruit des larves qui coupent les moissons par la racine, font se flétrir les blés et se dessécher l'herbe des prairies. Il pourchasse impitoyablement les insectes qui dévorent les bourgeons, les limaces, les chenilles, les vers immondes qui corrodent les fleurs de leurs baves et pourrissent sur les branches les fruits encore verts. Besogne ingrate, et qui semblable à celle de ces Don Quichotes imbéciles qui veulent préserver des larves humaines, les beaux fruits d'intelligence, les belles fleurs d'art, les belles semences de patriotisme, ne rapporte que des horions et des risées. Malheureux crapaud, quand donc cessera-t-on de te poursuivre, de te jeter des pierres, de t'assommer ainsi qu'une bête malfaisante, toi, l'auxiliaire résigné du laboureur, le protecteur au nid des jardins, le conservateur des trésors de la terre, toi qui, malgré ta mine basse et les verrues de ta carcasse rugueuse, devrais être le premier parmi les animaux sacrés, comme tes sœurs les hirondelles et les cigognes, comme tes frères les roitelets. Je marchais dans un chemin de traverse, bordé à droite et à gauche de bourdaines épaisses et de souches d'ormes courtes, trapues, mangées de polypes monstrueux et creusées de trous noirs. Il avait plu. Maintenant, l'eau s'égouttait à la pointe de chaque feuille en perles brillantes que le soleil irisait. Derrière les haies, les champs mouillés par l'averse fumaient et l'on apercevait sur une branche morte de pommier des oiseaux bouffis qui secouaient leurs plumes. Sur le talus du chemin, entre les ronces et les brins d'herbe, quelque chose de sombre s'agita. Je m'approchai et je vis un crapaud, un vieux crapaud à la peau grumeleuse et crevassée qui, fort empêtré dans la broussaille, fuyait vers un gros tronc d'orme dont les racines à nu posaient sur le talus comme les serres d'un immense épervier. J'observai le crapaud. Après beaucoup de difficultés, il arriva au pied de l'arbre, juste au-dessous d'un trou qui, à la hauteur de 50 centimètres, bâillait tristement sur l'écorce de l'orme. De ses deux pattes de devant, le crapaud s'appuya fortement contre l'arbre. Lorsqu'il se sentit bien suspendu, il fit un mouvement, et son ventre se colla contre l'écorce, faisant l'office de ventouse. Ses pattes alors se détachèrent pour se lever plus haut. C'est ainsi qu'il atteignit le trou, par où il disparut. Cet exercice m'avait émerveillé, et je pensais que le crapaud, qu'il avait aussi délicatement exécuté, devait être un vieux routier, habile en plus d'un tour et d'une intelligence rare, comme sont les vieux crapauds. Je cueillis une belle mûre sauvage, je la piquai au bout d'un brin d'herbe et l'introduisis dans le trou de l'arbre, en ayant soin de la faire aller et venir pour exciter la curiosité et la gourmandise de mon batracien. Au bout de quelques minutes, je sentis que la mûre avait été gobée. J'en pris une nouvelle et celle-ci ne tarda pas à être mangée. À la troisième, le crapaud se présenta au bord du trou. Qu'il avait une bonne et vénérable figure, avec sa gueule large et plate, ses gros yeux ronds qui lui sortaient de la tête, des yeux à la fois pleins de bonté, de malice et de résignation. Je lui donnai encore quelques mûres, des vers et des mouches qu'il avala avec une véritable satisfaction, en me regardant d'un air de reconnaissance. Et lui ayant laissé une provision de nourriture, je continuai mon chemin. Tous les jours, je passais à cet endroit et je m'arrêtais auprès du vieil orme. Le crapaud ne tardait pas à paraître. Je le gorgeais d'insectes, et lui, pour me remercier, me racontait toutes les aventures de sa vie, ses longs sommeils d'hiver sous les pierres gelées, la cruauté des hommes quand, après les pluies chaudes, il sortait de sa retraite et s'égarait dans la campagne, foulé par les pieds, poursuivi par les dents des fourches, tous les coups de bâton et tous les coups de sabot dont sa peau gardait encore des traces. Et j'admirais combien ce patriarche avait dû dépenser d'adresse, de prudence, de véritable génie, pour arriver sans trop d'encombre, à travers les dangers et les embûches, malgré la haine des hommes et des animaux, à traîner sa misérable existence, qui devait être longue, de plus de 100 années. Notre histoire, me dit le crapaud, est pleine de choses lamentables et merveilleuses. On nous déteste, mais nous intriguons beaucoup les gens. Il faut que je te raconte quelque chose d'extraordinaire. Un soir de printemps, je fus pris par un savant, un vieux savant, qui cheminait sur la même route que moi. Tu connais sans doute cette espèce d'homme, farouche, des barbares, qu'on appelle des savants. Il paraît que cela ne vit que du meurtre des pauvres bêtes, et que cela ne se plaît que dans le sang et les entrailles fumantes. Mon savant avait des lunettes et un grand chapeau de paille sur lequel il avait épinglé. Il avait piqué, au moyen d'une épingle, 3 papillons qui battaient de l'aile de douleur. C'était affreux. Il m'enveloppa son mouchoir et, en me fourrant dans une boîte en fer blanc qu'il portait en bandoulière, je l'entendis ricaner et se dire « Voilà un fameux crapaud ! Ah, nous allons pouvoir nous amuser un peu ! Voilà donc un fameux crapaud !» Je passai la nuit en cette boîte que le bourreau, sans plus de façon, avait accrochée à un clou dans son cabinet. Le lendemain, de grand matin, le savant me retira de ma prison. Il me déposa sur une table où se trouvaient beaucoup d'instruments et d'objets inconnus. Puis, après m'avoir examiné en tous les sens du bout de sa pince d'acier, il me jeta au fond d'une sorbetière et me gela. Oui, il me gela. Quand je sortis de la sorbetière, j'étais inerte et plus dur qu'une pierre. « Je crois qu'il est gelé, tout à fait gelé, je le crois, » dit le savant. Et pour s'en assurer mieux, il me frappa à plusieurs reprises avec une règle et me précipita durement 3 fois sur le parquet. Mon corps claquait comme une planchette de bois sec. « Parfaitement gelé, mon garçon, » reprit-il, et l'on me mit au frais. Je restai ainsi 2 ans. L'été, j'avais un supplément de glace, car le savant craignait que je ne dégelasse. Quand un ami venait rendre visite à mon savant, on descendait à l'endroit où je me morfondais en mon gel. Celui-ci me prenait dans sa main et me jetait violemment contre un mur. « Qu'est-ce que c'est ça, le savez-vous » demandait-il. « C'est un crapaud en bois. »« Pas du tout, c'est un crapaud gelé. » »« Et il vit. » »« Et je le dégèlerai, et cela fera une révolution à l'académie. » C'était à ce propos des discussions qui n'en finissaient plus. Je fus, en effet, dégelé en grande pompe et me mis aussitôt à sauter comme un cabri. Tout l'institut était là. On n'en revenait pas. Je profitais de l'effarement en général pour m'enfuir, car je ne doutais pas que tous ces gens ne voulussent point recommencer des expériences sur mon dos. On m'a conté depuis que le savant a écrit 3 volumes in quarto sur mon aventure. Quelle pitié! Je ne sais pourquoi l'idée me vint de lui donner un nom, et je l'appelai Michel. Il parut très flatté de cette attention, le pauvre crapaud. Et peut-être prit-il ce vocable pour un ennoblissement, pour quelque chose qui devait désormais le sauvegarder du mépris. Il répondait très bien à son nouveau nom, et quand je disais Michel, son corps se trémoussait, et ses yeux plus vifs roulaient avec un reflet de joie dans nos orbites saignantes. Le bruit de mes pas sur le chemin lui était familier et connu, et il ne l'eut pas confondu avec celui des autres passants. Du plus loin qu'il entendait, vite, il se présentait à l'entrée du trou, impatient et frémissant, comme un chien qui sent approcher son maître. Quelquefois, je faisais mine de ne pas m'arrêter, et Michel me suivait de ses yeux, devenus tristes tout à coup. Un jour, je ne trouvais plus Michel. En vain, je l'appelais, en vain, je frappais sur l'arbre, en vain, je mis dans le trou noir des insectes et des murs. Le trou était vide. Michel était parti. Je repassai le lendemain. Une chauve-souris avait élu domicile dans la maison du pauvre crapaud. Elle s'envola tout effarée par la lumière, se cognant aux branches des arbres et poussant de petits cris. Je ne doutais pas que Michel n'eût été assommé. Pourtant, la broussaille n'avait été dérangée ni foulée. Aucun savant, aucun chien n'était venu là. Je ne pensais plus à Michel, quand un beau matin, je l'aperçus, qui me regardait du seuil de son antre. Mais combien changé! Sa peau ridée, flasque autour de son corps, faisait de gros bourrelets, verdâtres. Son œil était atone. À peine s'il pouvait remuer ses membres, réduits à l'état de chiffon visqueux. « Eh bien, Michel, lui dis-je d'une voix sévère, vous êtes mis dans un joli état. Voilà donc où vous mène l'inconduite.